بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam, Sharhi Umdat al-Ahkam, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahum Allah ta'ala. La semaine dernière, on avait vu plusieurs hadiths. Parmi ces hadiths, le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qui se propose pour nous le réciter. إذا استأذنت أحدكم امرأته. Qui se propose? Tadal Muhammad. أخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لم يعبدن وفي رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لا تمنعوا مساجد الله. Ahsan, tabarakallahu fik. Le second hadith qu'on avait vu, c'était le hadith d'Abdullah ibn Umar également. Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui se propose? Hafid. Qui l'a pris? Abdul Aziz. Jawad, fadda. Al-Abdillah ibn Umar radiallahu anhu. Qala. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. رواه البخاري ومسلم. نعم. وفي اللفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. نعم. وفي اللفظ للبخاري عن ابن عمر قال حدثتني حفصة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. أحسن بارك الله فيك. اي لو ترويزيام حديث لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء. Nadir, Hassan, tu baisses la tête? على ركعتي الفجر. نعم. وفي لفظ مسلم ركعتا الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أحسنت بارك الله فيكم. طيب يقول المؤلف رحمه الله الحديث الحادي والستون في الوتر دي لسوسنتينيام حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة رواه البخاري ومسلم. Et selon Anas ibn Malik radiyallahu anh, il dit que Bilal radiyallahu anh a été ordonné de faire l'adhan de façon paire et l'iqamah de façon impaire. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith. Umira Bilalun mabniyun lil-majhul wal-amiru huwa al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam falahu hukm al-marfu'a. واختلف أهل الأصول هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها الرفع أو لا، والصحيح أنها تقتضيه لأن الظاهر أن الآمر من له الأمر الشرعي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Bilal a été ordonné. Ici, la personne qui lui a ordonné n'a pas été citée. Mais il est évident que c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ainsi ce hadith qui est à la base la parole de qui? De Anas ibn Malik. C'est donc un athar à le jugement de l'marfou'. Et le hadith al-marfou', c'est le hadith qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi cette information dont nous a fait part Anas ibn Malik, elle a le jugement d'un hadith marfou'. C'est comme si c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car qui a ordonné Bilal? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de l'usul ont divergé sur est-ce que de telles paroles ont le jugement de marfou' ou pas. Et l'avis le plus sûr, c'est que oui, des paroles ainsi, on comprend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en est le demandeur ou qui en est celui qui en a donné l'ordre, et ainsi cela a le jugement d'un hadith marfou'. ثانيا أن يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظه شفعاء أي مثنى والمثنى مرتان. Deuxièmement, de faire l'adhan de façon paire, c'est-à-dire que ces formules doivent être paires, c'est-à-dire elles doivent venir en double. ثالثا يوتر الإقامة يعني يأتي بألفاظها وترا وهو نقيض الشفع. Et de faire l'Iqama de façon impaire, c'est-à-dire que ces formules soient impaires. Et l'impair, c'est le contraire de pair. المعنى الإجمالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه بلالا أن يشفع الأذان لأنه لإعلام الغائبين فيأتي بألفاظه مثنى مثنى وهذا عدا التكبير في أوله فقد ثبت تربيعه وكلمة التوحيد في آخره فقد ثبت إفرادها كما أمر بلالا أيضا أن يوتر الإقامة لأنها لتنبيه الحاضرين وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة وهذا عدد التكبير وقد قامت الصلاة فقد ثبت تثنيتهما فيها فقد ثبت تثنيتهما فيها. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son muazzin, qui est l'appeleur à la prière, il a ordonné son muazzin Bilal de faire l'adhan de façon paire, car le but de l'adhan est d'annoncer l'heure de la prière à ceux qui sont absents, et que ces formules doivent être au nombre, doivent être répétées deux fois, et ceci excepté le takbir au début, car il a été rapporté qu'il doit être dit quatre fois. Parce que le muezzin dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a dit combien de fois le takbir 4 fois. Donc, dans l'adhan, tout doit être dit 2 fois, sauf 2 exceptions. La première, le takbir au début, car il y a un takbir aussi à la fin. Donc, le fait de dire le takbir au début est important. Wa kalimatu at-tawhid fi akhirih. Et la parole de tawhid qui est La ilaha illallah à la fin de l'adhan également, il a été rapporté que celle-ci se dit uniquement une seule fois. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Donc le kalimat de tawhid est dit une seule fois à la fin. Et de la même façon, le professeur Anselem a ordonné Bilal de faire l'iqama de façon impaire. Car le but de l'iqama n'est pas d'annoncer la prière à ceux qui sont absents, mais c'est pour prévenir ceux qui sont présents. Prévenir ceux qui sont présents. Et ceux qui sont présents, tu ne vas pas les appeler comme ceux qui sont absents. Donc une seule fois suffit. Et ainsi de dire l'iqama et les phrases et les formules de l'iqama une seule fois, et il y a à cela 2 exceptions. La première qui est le takbir au début, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qui doit être dit 2 fois, ainsi que la formule Qad qamatis salah, qui elle aussi est dite 2 fois. Donc l'iqama c'est de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Et on verra par la suite qu'il y a d'autres formules et d'autres façons de faire l'iqama, et qu'il est autorisé de dire 2 fois aussi pendant l'iqama, que cela est rapporté dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et on verra par la suite également que le hadith de Anas, parce que le professeur Salam a ordonné Bilal que ceci est qu'il fallait le comprendre dans le sens que cela était préférable, car d'autres façons de faire les qamas ont été rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikhtilaf ul-ulama, la divergence des savants. Ikhtilaf ul-ulama fi hukm al-adhan wa al-iqama, fa dhahaba al-imam Ahmad وبعض المالكية وبعض الشافعية وعطاء إلى أنهما واجبان على الكفاية للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة، منها حديث الباب لأن الأمر يقتضي الوجوب، ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث فليؤذن لكم أحدكم، وغير ذلك من الأحاديث، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها. Les savants ont divergé sur le jugement de l'adhan et de l'iqama. Et l'imam Ahmad et certains savants de l'Malikiyya et également certains savants de Shafi'iyya, de même que Ata, sont de l'avis que l'iqama et l'adhan sont une obligation qui, lorsqu'elle est faite, eh bien, elle est, les autres musulmans en sont exemptés. Et ceci concerne les hommes. Ils ont pour preuve, beaucoup de hadiths, parmi les hadiths, celui de Anas que l'on explique actuellement, car il considère que l'obligation, le fait que Bilal en a été ordonné, cela prouve l'obligation. Et l'autre hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiallahu anhu, rapporté dans le Bukhari et Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous fasse l'adhan pour vous. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Et d'autres hadiths, également car l'adhan fait partie des emblèmes apparents de l'islam et qu'il est autorisé au gouverneur de combattre ceux qui délaissent cet emblème. وقد خص بعض هؤلاء الوجوب بالرجال دون النساء لما روى البيهقي عن ابن عمر بإسناد صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة لأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لها الاجتماع وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط، ويعارض ما نقل عن تركه الأذان بما روى البخاري عن ابن مسعود أنه صلاها في جمع بأذانين وإقامتين. Et certains savants ont restreint cette obligation aux hommes sans les femmes. Et la preuve est ce qui a été apporté par Al-Bayhaqi selon Abdullah ibn Umar à travers une chaîne authentique que les femmes, il n'y a pas d'adhan et de iqama pour les femmes. Et que ce qui est demandé aux femmes est de baisser leur voix et de se cacher et de se recouvrir. Elles ne font donc pas partie des gens de l'jama'a et de celles qui se réunissent. Et al-Hanafiyya ainsi que al-Shafi'iyya considèrent eux que al-Adhan et l'Iqama sont deux sunnahs qui ne sont pas obligatoires. Et leur preuve est un hadith que beaucoup de savants ont authentifié, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de l'Muzdalifa n'a pas fait l'adhan, mais qu'il a fait uniquement l'Iqama. La nuit de l'Muzdalifa, parce que le pèlerin part de l'Arafat vers l'Muzdalifa, il doit prier à l'Muzdalifa, quelle prière? Al-Maghrib wa al-Isha. Et vient contredire ce hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Al-Maghrib al-Isha à Al-Muzdalifa en faisant deux adhan et deux iqamah. Le hadith est apporté par Al-Bukhari. Les autres savants ont répondu à cette ambiguïté par le hadith de Bukhari. Ala anna Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dhakara fi al-ikhtiyarat anna tawa'ifa min al-qa'ilin bisunniyyat al-adhan yaqulun idha ittafaqa ahlu baladin ala tarkihi qutilu. فالنزاع مع هؤلاء قريب من اللفظ لأن كثيرا من العلماء يطلقون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا أما من زعم أنه سنة لا إثم على تركه فقد أخطأ. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dans son livre الاختيارات explique que certains savants de ceux qui disent que l'adhan et l'iqama sont une sunna disent également que lorsque les gens d'une contrée ou d'un pays se mettent d'accord sur le fait de délaisser l'adhan, alors ils doivent être combattus. Et Cheikh al-Islam Taymiyyah utilise cette parole pour dire qu'en vérité, il y a une divergence dans les mots employés, mais tout le monde est d'accord sur l'obligation de l'adhan, car ces savants qui disent que c'est une sunna. Pourquoi autoriserait-il que l'on combatte des gens qui délaissent une sunna? C'est une preuve que le mot sunna qu'ils utilisent n'est pas dans le sens que l'on connaît ou dans le sens qu'utilisent les savants du fiqh, à savoir que c'est une chose qui, lorsqu'elle est délaissée, la personne a un péché et elle est considérée comme avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le sens qu'ont voulu ces savants et non pas le sens qui est connu, à savoir qu'une sunna, celui qui l'a fait, il est récompensé et celui qui la délaisse n'est pas châtié. Ça c'est la définition la plus propagée, celle qui est utilisée par Al-Fuqaha. Mais ces savants qui ont dit que l'adhan et l'iqama sont une sunna n'ont pas utilisé le mot sunna dans ce sens. C'est ce qu'a expliqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. واختلفوا ايضا في صفه الاذان والاقامه فذهب الامام احمد الى جواز كل ما ورد من صفه الاذان والاقامه لكنه اختار اذان بلال واقامته واذان بلال المشار اليه 15 جمله 4 تكبيرات ثم 4 تشهدات ثم 4 حيعلات ثم تكبيرتان ثم يختمه بلا اله الا الله والاقامه المشار إليها 11 جملة تكبيرتان ثم تشهدان ثم حيعلتان ثم قد قامت الصلاة مرتين ثم تكبيرتان ثم يختم بلا إله إلا الله. وإلى هذه الصفة ذهبت الحنفية والشافعية وجمهور العلماء واحتجوا بحديث عبد الله بن زيد في صفة الأذان والإقامة وبأن هذه الصفة هي عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها ولم ينكره أحد. Et les savants ont également divergé sur la description de l'adhan et de l'iqama. L'imam Ahmad considère qu'il est autorisé de mettre en pratique toutes les façons de faire l'adhan et l'iqama. Mais il considère que la meilleure de ces façons est l'adhan et l'iqama de Bilal, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'adhan de Bilal est un adhan composé de 15 phrases. Il est composé de 4 takbirs, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis de 4 tashahudat. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça fait combien de phrases là? 8. ثم أربع حيعلات في كاتخ حيعلاه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Et beaucoup de muezzins font l'erreur en disant حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Ce n'est pas حي على الصلاة mais c'est حي على الصلاة على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. Ça fait 12. ثم تكبيرتان الله أكبر الله أكبر. Puis deux تكبير, ça fait 14. Et يختم, et il est conclu par لا إله إلا الله. Cela fait donc 15 phrases. والإقامة المشار إليها 11 جملة. الإقامة, l'إقامة de Bilal est composée elle de 11 phrases. تكبيرتان, deux تكبير, الله أكبر الله أكبر, deux تشهد, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله. Puis de deux حيعلتان, حي على الصلاة, حي على الفلاح. Ça fait combien? 6. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة, deux fois. 8. الله أكبر الله أكبر, 10. لا إله إلا الله, 11. Et c'est cette façon qu'on choisit Al-Hanafiyya ainsi que Shafi'iyya ainsi que la majorité des savants. Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu dans qui décrit la description de l'adhan et de l'iqama. Et également ils ont pour preuve que c'est l'adhan qui était fait à Mecca. Et c'est le dan que font les gens de Mecca, de la Mecque, et malgré les rassemblements des musulmans, que ce soit pour le commerce ou que ce soit pendant le Hajj ou la Umrah, personne n'a contredit cet adhan. وذهب مالك أبو يوسف وبعض العلماء إلى تثنية تكبير الأذان محتجين لبعض روايات حديث عبد الله بن زيد وبأذان أبي محذورة وبحديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان والحق أنه لا منافاة والصفات كلها جائزة والأولى الأخذ بالزائد لأن الزيادة التي لا تنافي إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. قال ابن حزم إنما اخترنا أذان أهل مكة لأن فيه زيادة ذكر الله. الإمام مالك أبو يوسف d'autres savants eux ont choisi le fait de dire le takbir deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est ça que vous voyez beaucoup au Maroc, les muezzinoun, qu'est-ce qu'ils disent? Combien de fois le takbir ils le disent? Deux fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cela est authentique, c'est une façon autorisée, rapportée dans des versions du hadith d'Abdullah ibn Zayd, mais il est aussi rapporté, et c'est aussi le adhan d'Abu Mahdoura, que Abu Mahdoura, un compagnon du professeur Hassan, et c'est le professeur Hassan qui lui a enseigné le adhan. Et le adhan de Abu Mahdoura est connu pour quoi? Pour quelle particularité? On l'avait vu ça. l'adhan d'Abi Mahzoura, sa particularité, c'est le tarji'a. C'est quoi le tarji'a? C'est de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, à voix basse, puis de redire à voix haute. Ça, on verra par la suite, inshallah. Et il n'y a pas de contradiction, comme le dit Cheikh Al-Bassam, il n'y a pas de contradiction entre toutes ces différentes façons de faire l'adhan. Elles sont toutes autorisées. Et celles où il y a plus sont les meilleures. Ainsi, l'imam Ibn Hazm a dit, nous avons choisi l'adhan des gens de la Mecque, car il y a plus de rappels d'Allah. Autrement dit, le hadith de Bilal, le adhan de Bilal est l'adhan le plus complet, c'est là où il y a plus de phrases, donc c'est là où le nom d'Allah est le plus cité. Ainsi, c'est le meilleur. اختلفوا في ترجيع الأذان ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن التشهد خافضا به صوته ثم يعيده رافعا صوته فذهبت المالكية والشافعية إلى استحبابه وهو عمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقنه إياه في مكة. Ils ont divergé sur le tarji dans l'adhan. Et la signification de tarji, c'est que le muezzin dise le tashahud à voix basse. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite à voix basse il dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et à voix haute il redit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il continue l'adhan. Il y a d'autres façons aussi de dire une seule fois Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et de dire ensuite deux fois Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, deux fois. Et le tarji' al-Malikiyya et al-Shafi'iyya, eux considèrent que cela est préférable, et c'est également un adhan qui est pratiqué par les gens du Hijaz, en prenant bien sûr en compte le hadith d'Abu Mahdoura, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné lorsqu'il était à la Mecque. وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد والإمام أحمد يجيد الأمرين ولكنه يختار أذان بلال قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح فإن ربع أو رجع أو ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. Et Al-Hanafiya, eux, considèrent que ce n'est pas préférable, et ils utilisent le hadith de Abdullah ibn Zayd, dans lequel il y a le tarji' n'est pas cité. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, dit que les deux sont autorisés, mais que le mieux est le hadith de Bilal, radiyallahu anhu. Et Ibn Abdul Bar, rahimahullah, un grand savant de l'islam, dit que l'imam Ahmed, Ishaq, Daoud ibn Jarir disent que cela fait partie d'une divergence autorisée. À savoir que toutes ces différentes façons de faire donnent aux musulmans la possibilité de faire al-adhan de plusieurs façons. Il n'y a pas de contradiction entre ces différentes sortes. Il dit donc, s'il le dit quatre fois, fa'in rabba, c'est-à-dire s'il dit quatre fois le takbir, ou radja, ou s'il veut faire le tarji', ou thanna al-adhan, ma'a ifrad al-iqama, ou de dire deux fois les formules de l'adhan et une fois les formules de l'iqama, ou thannaha ma'ahu, ou bien de faire al-iqama deux fois, ou de répéter deux fois les formules de l'iqama, tout ceci est autorisé. Donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est également rapporté que l'iqama se fait comme l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-salah, Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala al-falah, Qad qamati al-salah, Qad qamati al-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Cette façon est également rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un muezzin qui fait l'iqama de cette sorte, on ne doit pas le lui reprocher car il a appliqué une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma yukhadu min al-hadith وجوب الأذان والإقامة أخذا من صيغة الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصيغة تقتضي رفع الحديث قال ابن حجر هو قول محقق الطائفتين من المحدثين والأصوليين. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'obligation de l'adhan et de l'iqama, car c'est un ordre qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette façon de décrire ou d'avoir rapporté ce hadith, eh bien, fait de la parole de Anas une parole qui a le jugement d'un hadith jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah a dit que cette parole est la parole de grands savants parmi les muhaddithin, les gens du hadith, et Al-Usuliyin, les savants de Usul al-Fiqh. ثانيا استحباب شفع الأذان وإيتار الإقامة لأن الوجوب معارض بصفات للأذان والإقامة ثابتة يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. Deuxièmement, on retient de ce hadith qu'il est préférable que l'adhan soit pair et l'iqama impair. On dit qu'il est préférable car si l'on disait que cela était obligatoire, l'on serait en contradiction avec les autres descriptions de l'adhan et de l'iqama qui ont été rapportées de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ainsi, de prendre l'ensemble, il faut prendre l'ensemble des preuves et des hadiths en considération, à savoir l'autorisation de mettre en pratique tout ce qui a été rapporté. ثالثا شدة الاهتمام بالأذان على الإقامة لكونه نداء للبعيد. Que l'adhan est plus important que l'iqama, car l'adhan permet d'appeler les gens qui sont lointains. رابعا والمراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أوله وكلمة التوحيد في آخره فإنها مخصصة مخصصةٌ بأدلة أخرى. Et ce qui est voulu, ou lorsque l'on dit que l'adhan est pair, c'est-à-dire que l'on dit deux fois les formules, il y a exception, comme cela a été vu tout à l'heure, il y a exception sur les takbir au début qui se dit quatre fois et la parole du tawhid à la fin qui se dit une fois. Et cela a été apporté dans d'autres hadiths. والمراد خامسا المراد بوتر الإقامة ما عدا التكبيرتين في أولهما وقد قامت الصلاة فإنهما مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخرى. Et également pour الإقامة qu'elle est impaire en dehors des deux takbir qui sont au début qui se disent deux fois et de قد قامت الصلاة qui elle aussi se dit à deux reprises. Et deux n'est pas impair. الحديث الثاني والستون. Le 62e hadith. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السؤائي. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال. قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. رواه البخاري ومسلم. Le 62e hadith. Selon Abu Juhayfa Wahb ibn Abdillah al-Suwa'i, il dit: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sous sa tente rouge, une tente faite de peau tannée. Il dit: Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ Il y avait alors, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui s'aspergeaient de cette eau, et d'autres qui prenaient l'eau de ceux qui l'avaient pris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, et il avait un manteau rouge, et je voyais la blancheur de ses mollets, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il a alors fait ses ablutions, وَأَذَّنَ بِلَال et Bilal a fait l'adhan à la prière, a fait l'appel à la prière, et Abu Juhayf a dit, et je suivais la bouche de Bilal d'ici vers là. Il disait, à droite et à gauche, حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. Puis, une petite lance a été plantée pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié la prière de Dhuhr en faisant 2 unités de prière et il n'a cessé de prier 2 raka'at jusqu'à ce qu'il soit retourné à Médine. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Gharib al-hadith fi qubbatin min adam jam'u adim wal-udam bi dhammi al-hamzati wa fathiha الجلد المدبوغ والقبة هي الخيمة أو الخيمة. Les termes qui méritent explication. Abu Juhayfa radiallahu anhu dit que le professeur Hassan était dans une qubba. في قبة من أدم. Et le terme Adam est le pluriel de Adim. Et Al-Udam ou Al-Adam, il est autorisé de dire les deux, c'est une peau tannée. C'est une peau d'un animal, hamukallah, tannée. Et cette peau, une fois tannée, était utilisée pour faire des tentes. Et Al-Qubba, ce n'est autre que la tente. Ainsi, le professeur Sam était sous une tente rouge, une tente faite avec de la peau tannée. Thaniyan wadu ya'ni al-ma. Lorsque Bilal est sorti avec al-wadu, al-wadu c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Et ça on l'a dit à plusieurs reprises. Et la différence entre al-wadu et al-wadu, al-wadu c'est l'acte de faire les ablutions. Thalithan hullah la takunu illa min thawbayni izarun warida أو غيرهما وتكون ثوبا له بطانة. الحلة j'ai dit manteau, c'est une erreur, c'est un vêtement qui est composé de 2 étoffes, الرداء والإزار. الرداء والإزار, une étoffe supérieure et une étoffe inférieure, ou elle peut être constituée d'autres qu'un رداء et un إزار, mais dans tous les cas c'est un vêtement en 2 pièces. Et c'est également un vêtement qui a une doublure. وَتَكُونُ ثَوْبًا لَهُ بِطَانًا, c'est-à-dire qu'il a une doublure. رَابِعًا فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ النَّضْحُ الرَّشُّ وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَخْذُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي تَوَضَّأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّبَرُّكِ وَالنَّائِلُ الْآخِذُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Il y avait parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم Al-Nadih wa Al-Nail. Al-Nadih qui signifie arroser. Et cela signifie que il prenait de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle il a fait ses ablutions et il s'arrosait de celle-ci en recherchant la baraka, en recherchant la bénédiction. Wa Al-Nail et Al-Nail, c'est celui qui a pris de celui qui a pris l'eau par laquelle le professeur sallam a fait son ablution. Ainsi, lorsque l'un prenait, bien les autres venaient prendre de celui qui avait pris. Ceci pour montrer leur grande motivation et l'importance qu'ils donnaient au fait d'avoir et de bénéficier de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خامساً أتتبع فاه ها هنا وها هنا ظرف مكان المراد يلتفت جهة اليمين وجهة الشمال ليبلغ من حوله. Je suivais sa bouche d'ici vers là, c'est-à-dire que Bilal radiallahu anh tournait sa tête à droite et à gauche afin que l'adhan, que l'appel à la prière arrive à toutes les personnes qui sont autour de lui, quelle que soit leur direction. عنزه رمح قصير في طرفه حديدة دقيقة دقيقة الرأس يقال لها زج والعنزة بفتح العين والنون والزاي آخره تاء مربوطة. Et la anaza, c'est une lance, une petite lance avec au bout une partie en métallique qui est fine et qui permet ou qui facilite le fait de planter, qui facilite le fait que la flèche se plante. Et c'était un moyen utilisé au prophète, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ou comme sutra, comme obstacle. المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا في الأبطح في أعلى مكة فخرج بلال بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يتبركون به وأذن بلال قال أبو جحيفة فجعلت أتتبع فاه بلال وهو يلتفت يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ليسمع الناس حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة ثم ركزت له رمح قصيرة لتكون سترة له في صلاته فصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة لكونه مسافرا. Le sens général du hadith. Le prophète صلى الله عليه وسلم était descendu à Al-Abtah, qui est un endroit proche de la Mecque, dans les hauteurs de la Mecque. Et Bilal radiallahu anhu est sorti avec ce qui restait de l'eau par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions. Et les gens ont pris alors cette eau et recherchaient dans celle-ci la bénédiction. Puis Bilal a fait l'appel à la prière. Et Abu Juhayfa a dit, et je suivais la bouche de Bilal lorsqu'il tournait à droite et à gauche au moment où il disait « Hayya ala salah, hayya ala al-falah » afin que les gens puissent entendre. Car ces deux phrases sont un appel et une recommandation à venir à la prière. Venez à la prière, venez à la félicité. Al-falah, c'est le fait de gagner. À la réussite. Puis, une petite lance a été plantée afin qu'elle soit un obstacle, une sutra pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant sa prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dhuhr en accomplissant deux unités de prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé pendant son séjour à la Mecque de prier toutes les prières de quatre rak'at, de les prier en deux. Et ceci jusqu'à ce qu'il soit retourné à Médine, car le professeur Asselem était voyageur. Le professeur Asselem, ayant émigré à Médine, lorsqu'il allait à la Mecque, qui est son village natal, et la ville dans laquelle il a grandi, sallallahu alayhi wa sallam, mais à partir du moment où il a déménagé à Médine, le fait qu'il soit à la Mecque faisait de lui un voyageur, sallallahu alayhi wa sallam. ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية التفات المؤذن يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح والحكمة في هذا تبليغ الناس ليأتوا إلى الصلاة. Premièrement, qu'il est légiféré au muezzin de se tourner à droite et à gauche au moment où il dit حي على الصلاة حي على الفلاح, et la sagesse est afin que ces paroles bien précises soient entendues des gens pour qu'ils viennent à la prière. Et on avait vu que le muezzin, lorsqu'il tourne à droite et à gauche, est-ce que c'est tout son corps qui tourne ou est-ce que c'est uniquement sa tête? C'est uniquement sa tête. Donc le muezzin dit comme ça, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Mais de tourner son corps à droite et à gauche, cela n'a pas été rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر ويأتي إن شاء الله. Deuxièmement, qu'il est légiféré de raccourcir les prières de 4 rak'at en 2 lorsque la personne est en voyage, et ceci viendra par la suite, c'est-à-dire lorsque l'on va parler de la prière du voyageur. ثالثا مشروعية السترة أمام المصلي ولو في مكة ويأتي إن شاء الله. Troisièmement, qu'il est légiféré d'avoir une sutra, que le prieur qui prie doit avoir une sutra même s'il est à la Mecque. Et cela viendra par la suite. Rabi'an, shiddatu mahabbati as-sahaba lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa tabarrukihim bi atharihi, walakin la yalhiquhu fi dhalika al-ulama was-salihun, fa inna lahu khususiyat ينفرد بها عن غيره ومن قاس غيره عليه في هذا وأمثاله وأمثاله فقد أخطأ. Quatrièmement, le grand amour qu'avaient les compagnons envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils cherchaient la bénédiction dans les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans tout ce qu'il laissait. On avait à plusieurs reprises que les compagnons du prophète sallam prenaient tout ce qui provenait du prophète sallam et recherchaient la bénédiction. Même les crachats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'atteignaient pas le sol, car les compagnons se battaient pour récupérer les crachats du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin d'y rechercher la bénédiction. Et également lorsque le prophète sallam buvait et qu'il laissait de l'eau, eh bien, il se battait pour prendre le reste de l'eau. Lorsque le prophète sallam mangeait, eh bien, il se battait pour prendre les restes de son plat. Radiyallahu ta'ala anhum. Et ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ainsi que les vertueux et les pieux n'ont pas ce jugement. Car c'est quelque chose qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui fait une analogie entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les pieux, les saints et les savants sur ce point ont fait une erreur. Khamisan, warada fi ahadith kathira an-nahy 'an labs al-ahmar lir-rijal, fa minha ma fi al-Bukhari anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam naha 'an al-mayathir al-humr, fa kayfa ذكر هنا أن عليه حلة حمراء. ذكر ابن القيم في الهدي النبوي أو زاد المعاد أن الحلة هنا ليست حمراء خالصة وإنما فيها خطوط حمر وسود، وغلط من ظن أنها حمراء بحتة لا يخلطها غيره، والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها حمراء. Cinquièmement, il est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques l'interdiction de porter des vêtements rouges pour les hommes. Et parmi ces hadiths, le hadith de Bukhari où le prophète sallam a interdit de porter des vêtements rouges. Comment est-ce que Abu Juhayfa a alors rapporté dans ce hadith que le prophète sallam avait des vêtements rouges? L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, dans son livre Al-Hadi al-Nabawi, ou appelé autrement et de façon plus connue Zad al-Ma'ad, que les vêtements qu'apportait le prophète sallam n'étaient pas rouges complètement, mais qu'ils comportaient des traits rouges ainsi que des traits noirs. Afin, des traits rouges ainsi que des traits noirs. Et ceux qui ont pensé que ces vêtements du prophète sallam étaient entièrement rouges ont fait une erreur. Et un vêtement dont les traits sont majoritairement rouges sont appelés des vêtements rouges. ورأيت نقلا عن شيخنا عبد الرحمن السعدي أنه لبسها لبيان الجواز. Il dit, c'est-à-dire le même Abdullah al-Bassam, et j'ai vu d'après notre cheikh عبد الرحمن السعدي, car on a vu lors de la biographie de Cheikh Abdullah Bassam, que c'est un élève de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahumullah, que le professeur Hassam l'a porté pour montrer l'autorisation. Que pour rassembler le hadith dans lequel il est interdit de porter des vêtements rouges et que le prophète sallam ait porté des vêtements rouges, Cheikh Saadi dit que le prophète sallam l'a porté pour montrer l'autorisation et qu'il est détestable de les porter, ils ne m'ont pas interdit. وعندي أن جمع ابن القيم أحسن لأن النهي عن الأحمر الخالص شديد فكيف يلبسه لبيان الجواز والله أعلم. Et Cheikh Al-Bassam dit, et pour moi, le rassemblement d'Ibn al-Qayyim est meilleur. Car l'interdiction de porter un vêtement rouge entièrement est une interdiction qui est forte et violente. Comment le prophète sallam aurait pu-t-il le porter pour montrer l'autorisation? Et les hadiths qui interdit le fait de porter rouge sont nombreux, et on a vu hier, lorsque le prophète sallam a vu ce compagnon qui a porté les vêtements rouges, qu'est-ce qu'il lui a dit? Innaha min thiyab al-kuffar fala talbasha. Elle fait partie des vêtements, cela fait partie des vêtements des non-musulmans, ne le porte pas. وذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديما وتأخيرا فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بلال بوضوء ويؤيد قوله رواية البخاري خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. القاضي عياض رضي الله عنه a dit, et il y a dans la parole de Abu Juhfa radiallahu anhu un taqdim et un ta'khir, c'est-à-dire il y a une partie de sa parole qui a été précédée, qui a été dit avant, qui a été dite avant, et l'autre après. Fatawadda Rasulullah fa kharaja Bilal biwadu. Lorsqu'il a dit, le prophète sallam a fait ses ablutions. Et lorsqu'il a dit, Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le prophète sallam a fait ses ablutions. Et lorsqu'on revient au hadith, il dit, je suis parti voir le prophète sallam qui était dans sa tente rouge faite de peau tannée. Il dit, et Bilal est sorti avec l'eau par laquelle le prophète sallam a fait ses ablutions. Et alors, c'est là où les compagnons se sont mis à prendre cette eau et à s'en asperger. Et c'est par la suite qu'il dit, puis le prophète sallam a fait ses ablutions et Bilal a fait l'adhan. Le prophète sallam a-t-il fait les ablutions avant que Bilal sorte ou après? Avant, parce que le wado, c'est l'eau avec laquelle on a fait les ablutions, et cette eau n'est bénie qu'après que le prophète sallam l'ait utilisé. Car avant que le prophète sallam ne fasse ses ablutions, est-ce que c'est une eau bénie? Non, ce n'est qu'après l'utilisation du prophète sallam de cette eau qu'elle devient une eau bénie. Ainsi, il y a la parole de Abu Juhfa, lorsqu'il a dit que Bilal est sorti, a été précédé, et lorsqu'il a dit que le prophète sallam a fait ses ablutions, cette parole a été dite après. Donc, et ce qui appuie cela est la version de Bukhari, rahimahullah, lorsque il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à Al-Hajirah et que on lui a apporté l'eau avec laquelle il fait ses ablutions. Il a fait ses ablutions et c'est ensuite que les gens ont pris ce qu'il restait de cette eau et se sont essuyés avec. C'est une preuve que Bilal radiallahu anhu est sorti après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait ses ablutions. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث والستون عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم رواه البخاري ومسلم. Et selon le 63e hadith, selon Abdullah ibn Umar, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Bilal fait l'appel à la prière de nuit, mangez et buvez jusqu'à ce qu'appelle à la prière Ibn Ummi Maktoum. حديث rapporté par البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم، وكان ضريرا، فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر لأنها تقع وقت نوم، ويحتاج الناس إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها، فكان صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه إلا إلى أن بلالا يؤذن بليل فيأمرهم بالأكل والشرب حتى يطلع الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه كان يؤذن مع طلوع الفجر الثاني، وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة، ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها، ولا يجوز فيها عداها أذان قبل دخول الوقت. واختلف في الأذان الأول لصلاة الصبح هل يكتفى به أو لا بد من أذان ثاني لدخول الوقت، وجمهور العلماء على أنه مشروع ولا يكتفى به. Le sens général du hadith: le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait deux muadhin, deux personnes qui appelaient à la prière, Bilal ibn Rabah et Abdullah ibn Umm Maktoum. Et Abdullah ibn Umm Maktoum était aveugle. Quant à Bilal, radiyallahu an, il faisait l'appel à la prière de l'Fajr avant l'apparition de l'aube. Car la prière de l'Fajr a lieu dans un moment où les gens dorment. Ils ont donc besoin de se préparer avant que l'heure de celle-ci n'entre. Pour cela que Bilal faisait l'adhan de l'Fajr avant, faisait le premier adhan de l'Fajr avant l'heure de l'Fajr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la remarque à ses compagnons en leur disant que Bilal fait l'adhan de nuit et il ordonnait de manger et de boire jusqu'au lever, jusqu'à l'apparition de l'aube, pour ceux qui voulaient jeûner. Puis le deuxième adhan, qui était Ibn Umm Maktoum, faisait l'adhan, le second, lorsque l'aube apparaissait. Comment est-ce qu'il faisait l'adhan vu qu'il était aveugle? Comment il savait que l'aube apparaissait? Yuqalu lahu, comme cela est rapporté dans d'autres hadiths, asbahta asbah, c'est-à-dire l'aube est apparue, et c'est lorsqu'on lui disait cela qu'Ibn Umm Maktoum radiyallahu anhu faisait l'appel à la prière. Et pour celui qui voulait faire, qui voulait jeûner ce jour-là, lorsqu'il entendait l'adhan d'Ibn Umm Maktoum, alors il devait s'abstenir de boire et de manger, et l'heure de la prière était alors entrée. Et ceci est propre à cette prière. Ceci est propre à cette prière, et il n'est pas autorisé de faire l'adhan avant l'entrée de l'heure d'une prière, uniquement ou sauf pour la prière de l'Fajr. Donc celui qui veut faire une analogie avec une autre prière, cela n'est pas légiféré. Et les savants ont divergé sur le premier adhan de Al-Fajr. Suffit-il ou bien faut-il obligatoirement faire le second adhan qui appelle et qui montre l'entrée de l'heure de la prière? La plupart des savants sont de l'avis que ce premier adhan, d'une part, est légiféré et d'autre part, qu'il ne suffit pas, et qu'il faut obligatoirement qu'il y ait le second adhan qui lui montre et marque l'entrée de l'heure de l'Fajr. Ma yukhadu min al-hadith min al-ahkam. Ce qu'on retient du hadith, awalan, jawazul adhan li salati al-fajr qabla dukhul waqtiha. Premièrement, l'autorisation de faire l'adhan pour la prière de l'Fajr avant l'entrée de son heure. Thaniyan, جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم. Deuxièmement, l'autorisation d'avoir deux muezzins dans une seule mosquée et que chacun doit avoir une heure précise dans laquelle il fait son appel à la prière. ثالثا, جواز اتخاذ المؤذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم رجل أعمى. Troisièmement, qu'il est autorisé de prendre un muadhin aveugle et de le suivre, c'est-à-dire de prendre en compte son adhan, car Ibn Umm Maktoum était un homme aveugle. Rabi'an, wa fihi istihbab tanbih ahli al-balad aw al-mahalla ala iradati al-adhan qabla tulu' al-fajr hatta yakunu ala basira. Quatrièmement, il est préférable d'avertir les gens du pays ou les gens du quartier sur le fait de vouloir faire l'adhan avant al-fajr, afin qu'ils sachent et qu'ils soient au courant. Car si tu le fais et que les gens n'ont jamais connu cela, lorsque le muadhin va faire l'adhan, ils vont venir. Et en général, le premier adhan se fait à peu près une heure avant la prière de al-fajr. Il faut donc prévenir les gens pour ceux qui veulent faire revivre cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, اتخاذ مؤذن ثاني يؤذن مع طلوع الفجر. C'est-à-dire l'autorisation de prendre un second muadhin qui fasse l'adhan au moment de l'apparition de l'aube. Donc il est autorisé de prendre deux muadhins différents. Ce n'est pas obligatoirement celui qui a fait le premier qui doit faire le second. Sadisan, وفيه استحباب عدم الكف عن الأكل والشرب لمن أراد الصيام حتى يتحقق طلوع الفجر وأن لا يمسك قبل ذلك والأمر في قوله فكلوا واشربوا هو للإباحة والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت وسيأتي إن شاء الله. Sixièmement, il y a le fait qu'il est préférable de ne pas s'abstenir de boire et de manger pour celui qui désire jeûner jusqu'à ce que l'aube apparaisse, et de ne pas arrêter avant cela. Et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mangez et buvez, c'est pour montrer l'autorisation et pour montrer également que l'heure de sahur va jusqu'à ce que l'aube apparaisse. Et cela va être expliqué ultérieurement, notamment dans le chapitre du Siyam. N'aim Akhi? Si, Fakulu wa shrabu hatta yu'adhin ibn Umm Maktoum, dans un autre hadith. Si, il y a aussi dans le hadith d'Abdullah. Fakulu wa shrabu. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا. سابعا فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفة. Septièmement, qu'il est autorisé de prendre en considération une information rapportée par une seule personne lorsque celle-ci est digne de confiance et connue. Et ceci pour répondre aux sectes qui disent que dans la croyance, on ne peut pas prendre un seul hadith, mais il faut que le hadith soit mutawatir. Cela est une réponse contre eux, car lorsque le muazzin fait l'adhan, c'est un muazzin, c'est une seule personne, et lorsqu'il fait l'adhan, il le fait après avoir vérifié que l'heure de la prière est bel et bien entrée. Et ainsi les musulmans prient après cet appel à la prière, autrement dit, ils lui font confiance dans l'information qu'il leur a transmise. Et ceci est une preuve contre ces sectes. On aktafi bihadha al-qadr wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.